marque, des, comment c'est, aussi de l'expérience, certaines choses qui rentrent aussi en ligne de compte. Et après, bah, les bateaux, aujourd'hui, avec justement avec Internet, bah, c'est facile pour un armateur. Admettons, il arrive à Dunkerque et peut aller voir quelles sont les sociétés basées à Dunkerque qui sont susceptibles de faire ces interventions. Et donc ici, par exemple, à Dunkerque, je suis seul. Je suis le seul entre Dunkerque et Le Havre, parce que ça demande de l'expérience, ça demande de la disponibilité, de la réaction, bah, n'importe quelle heure, ça soit le dimanche, la nuit, je veux dire, s'il y a un truc urgent. Après, moi, je travaille, j'ai quelques clients qui me sont fidèles depuis des années. Et chaque fois qu'il y a un bateau qui vient sur Dunkerque, eh ben, ils me font appel à moi. Mais après, j'ai d'autres. Là, j'ai un bateau qui est à Toulon et qui me demande d'intervenir à Toulon parce que le système qu'il y a à bord, eh ben, il n'y a personne ici qui connaît ce système-là et qui maîtrise ce système. C'est même pas une question du pavillon, c'est une question de la construction du navire et quel est le type de matériel qu'il y a à bord. Et après, bon, moi je fais les extincteurs et tout ça. Un extincteur, ça reste un extincteur. La seule différence, c'est que si vous avez, par exemple, un extincteur étranger et que bah, il faut le remplir et que les gens, bah, ils n'ont pas la connaissance et qu'ils n'ont pas les pièces de rechange ou quelque chose comme ça, c'est embêtant d'aller changer un seul extincteur et, alors que c'est une bricole juste à faire, quoi. Donc, moi, ça fait 35 ans que je fais ça. Donc, on va dire que j'ai une certaine expérience et j'arrive. Et puis, l'atout majeur que j'ai ici, c'est justement bah, la disponibilité et puis comment le savoir-faire. Donc, les gens, quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui démarre. Dans le métier, c'est compliqué parce que déjà il faut parler anglais, parce que tout est en anglais. Après aussi le contact à bord, parce que vous avez quand même affaire au monde entier. Vous avez différentes nationalités, vous avez différentes mentalités, cultures. Ça fait partie de ton expertise justement, qui ne s'apprend pas dans des formations, voilà. Ou dans des livres. Le contact avec les gens, ça c'est autre chose. Et est-ce que tu as eu des moments où tu as eu où c'était un peu tendu au niveau, parce que j'imagine que parfois sur certains bateaux, s'ils sont pas trop dans les règles, est-ce que tu as des accueils parfois? Bah après moi j'ai pas de pouvoir de décision ou de, on va dire, de les contraindre à quoi que ce soit. Ah oui, lui c'est un client. D'accord. Moi je fais que constater s'il y a quelque chose qui va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis, on va dire, apte à donner un certificat ou pas. D'accord. Pour du matériel qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, moi, je ne leur donne aucun document. Oui. Donc, après, c'est eux qui décident. Hein. Ouais, donc, j'achète, j'achète pas, je change, je remplace, je répare. Et si je décide, si je trouve quelque chose qui ne va pas à bord, après, quand s'ils ont un contrôle par ou le BV ou les affaires maritimes, oui, ou le, eux, ils ont du pouvoir de décision. Oui, c'est eux qui pourraient être mal reçus plus que toi, finalement. Ah, bien sûr. L'intérêt du navire, c'est que tout soit carré. Toi, et t'es que dans tout... la prévention, en fait, en quelque sorte. Moi, je suis là pour contrôler si tout va bien. Si tout va bien, bah, tant mieux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je le signale et c'est eux et qui après, disent au vous réparer. C'est leur responsabilité de, leur responsabilité de le faire. Ouais, après, j'ai déjà eu des bateaux, oui, que moi je signale, ça ne va pas. Et après, bah, eux, ils disent ah ben non, on va le faire ailleurs parce qu'on a encore du temps pour le faire ailleurs, parce que c'est moins cher, parce que c'est plus simple. Pays, voilà, parce qu'il y a des pays où bah, vous savez très bien que la main-d'œuvre n'est pas la même. et que les prix ne sont pas les mêmes. En Europe, c'est sûr que si vous comparez une intervention même en Europe de l'Ouest par rapport à l'Europe de l'Est, les prix ne sont pas les mêmes. Vous faites quelque chose en France ou en Roumanie ou même en Pologne où le taux de main-d'œuvre est beaucoup moins cher. Mais ça, vous le voyez par exemple surtout dans les chantiers de réparation. Ils font des appels d'offres pour, par exemple, là, nous avons Damen juste à côté. Donc, eux, ils reçoivent des appels d'offres tout le temps pour effectuer des travaux sur les navires. Après, je suppose que d'autres chantiers reçoivent les mêmes appels d'offres. Et après, comment l'armateur, il voit où est-ce que est le plus avantageux pour lui. Mais je pense que c'est pour tout maintenant que c'est comme ça. Oui, mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça aussi. Enfin, que finalement, le bateau peut tout à fait se dire, cette réparation, il faut qu'on la fasse, mais on va aller la faire dans un autre pays parce que c'est moins cher. Après, il y a certaines choses qui sont obligées de le faire, sinon les affaires maritimes le laissent pas partir. Ils immobilisent le bateau. Ah oui, le bateau peut être saisi pour des tas de choses, pas que pour en ce qui me concerne, ça peut être autre chose. Une avarie. Oui. Alors j'imagine aussi que du coup, tu as dû avoir des autorisations pour aller sur le port. Ah oui, après, moi j'ai des... Maintenant, c'est le port. Autrefois, on pouvait... Tous les ans, on renouvelle nos accès. Ouais. Par exemple, moi, oui. Ah ouais. Ah oui, avec le QR code et tout. Pour pouvoir accéder, oui. Mais tout partout, maintenant, c'est comme ça. Parce que ça, c'est aussi les Américains qui avaient mis un système qui s'appelle ISPS. Donc, tous les ports, maintenant... tous les bateaux qui doivent rentrer aux États-Unis, il faut que le dernier port, quand ils sortent par exemple de Dunkerque, il faut que le port il soit sécurisé. Tous les intervenants sur le port, ils doivent avoir leur autorisation pour pouvoir rentrer. Et puis, quand vous passez au poste de garde, on vous demande à contrôler si votre autorisation est à jour, si vous pouvez rentrer ou pas. Vous êtes contrôlé. Non seulement vous êtes contrôlé en rentrant sur le port, et sur chaque navire, une fois que vous êtes à bord, vous êtes de nouveau contrôlé par un marin qu'on appelle le watchman. Donc il est là pour contrôler, donc il vous reprend vos cartes d'identité, votre numéro de carte d'identité, votre nom. Il enregistre votre nom, ce que vous voulez faire, le nom de votre société. Donc l'heure que vous êtes monté à bord, l'heure que vous êtes descendu. Alors qu'avant, on rentrait dans le port comme ça. Quoi. Et ça, c'est depuis... Ça, le ISPS, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne sais plus exactement depuis quelle année. Ça fait déjà plus de 10 ans. Hein. Ça fait déjà plus de 10 ans que ça existe, l'ISPS. Je ne vais pas dire de bêtises sur la date exacte, mais ça fait plus de 10 ans que ça existe, l'ISPS. Je pense que c'est depuis... Ça a dû commencer avec les attentats du 11 septembre, tout ça. Après, ça s'est durci. Ouais, oui. Et je pense que c'est juste après ça. Mais non, c'est sérieux. Quoi. Heureusement d'ailleurs. Là maintenant, actuellement, je dois me rendre demain à Boulogne sur l'abeille Normandie. J'ai déjà commencé un travail à bord, donc il faut que je continue demain. Ouais. Et puis ça c'est les bateaux, le bateau que j'ai encore en cours. Après ça peut arriver, je suis là et puis. Il y a quelque chose qui ne va pas sur un navire. Il faut, avant vendredi, je suis allé sur un bateau aussi pour une petite intervention. Quelque chose qui n'avait pas pu être fait dans un autre port. Et ils m'ont demandé de le faire ici. Il y avait deux bouteilles pilotes de déclenchement pour les systèmes de CO2 sur les navires. Vous avez par exemple le feu dans la machine. Tout dépend de ce que ça. Des fois, ça peut couvrir les machines, les cales, on avait des systèmes pour combattre l'incendie. Donc, par exemple, une machine, vous avez un système que vous déclenchez et ça envoie du gaz CO2 dans la machine pour étouffer le feu. Bien sûr, il faut évacuer tout le monde, il y a des alarmes et tout ça, ça doit être contrôlé, les alarmes, les ventilations, les systèmes de fermeture, pour plus qu'il y ait de l'oxygène qui rentre. Et il y a un tas de choses. Et puis voir si le système, lui, il fonctionne ou en cas d'incident. Et donc là, il y avait une bricole à faire. Donc, mais ça peut être aussi des gros travaux. Hein, qui demande plus de temps. Après, bon, je vous avouerai que depuis quelques années, moi j'ai levé aussi un peu le pied, et puis aussi beaucoup de bateaux, des petites choses d'urgence, des bateaux et de passage ici, il y a un petit truc à faire d'urgence. Et puis, moi je suis presque à la fin, donc pas non plus. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. Si c'est des petites factures, en général, je négocie avec l'agent pour que ça soit l'agent du navire qui me paye. Si c'est des factures un peu plus importantes, tout dépend de la compagnie. Parce qu'il y a une époque, j'ai pris des risques. Il y a une époque, j'ai pris des risques où j'ai travaillé avec des compagnies que je ne connaissais pas. Parce que dans la vie... on doit prendre des risques, c'est comme ça. Où j'ai pris des risques. Dans l'ensemble, j'ai toujours été payé. Mais il y a eu des moments où j'ai pris des risques et j'ai pas été payé. Donc aujourd'hui, j'en prends de moins en moins. Il y a certaines compagnies avec qui je travaille. Mais il faut savoir que moi, dans mon métier, il n'y a pas d'argent liquide. Il n'y a pas, c'est que des factures. Parce que les compagnies aujourd'hui, soit vous font un virement, soit ils demandent à l'agent de mettre sous le compte d'escale. Si j'interviens sur un navire, il faut facturer à l'agent. Et c'est l'agent qui va me payer après. Parce que l'agent, il fait l'intermédiaire entre le navire et les intervenants. Mais. Et une époque où j'ai pris des risques, il y a eu quelques fois où j'ai... Surtout des petites sommes. Des petites sommes genre moins de 1000 euros, par exemple, je me suis fait avoir. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas entamé des procédures, le bateau va partir je ne sais où. Et puis ici, il y a certaines compagnies dans certains pays qui laissent traîner. Et puis vous rappelez, et puis vous envoyez des mails et ils ne vous répondent pas. Et puis ça dure jusqu'à un moment où il va laisser tomber. Mmh. Et tout ça pour éviter tout cela, maintenant c'est fini. Je préfère demander à l'agent qui s'engage à me payer. Mais c'est parfois un peu compliqué parce que je vais vous dire, des fois, s'ils ne vous répondent pas tout de suite, je dis moi, j'interviens plus. J'ai eu le coup l'année passée. J'ai dit non, je n'interviens pas parce que d'une part, je n'ai pas l'assurance d'être payé, donc je ne vais pas m'engager. Sur un travail pour lequel 99% des chances de ne pas être payé. Ouais. Mais, et ils vous disent quoi dans ces cas-là? Parce que comme vous n'êtes pas nombreux en France à faire ça, après, je vous dirais vulgairement que c'est plus mon problème. Oui. Non, c'est venu, c'est une. On va dire. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Ah oui, une opportunité. Voilà, ça a été vraiment une opportunité que j'avais jamais imaginée. Je suis arrivé dans le milieu portuaire vraiment par hasard. Vraiment par hasard. Ensuite, on va dire, les opportunités se sont présentées. Comme j'étais déjà bilingue, Bon, après, dans le milieu portuaire, les langues, c'est important. Et quand je suis arrivé là, bah, le fait de parler portugais, espagnol, après, bon, je parlais un petit peu anglais, j'ai commencé à me perfectionner un petit peu plus en anglais, et tout ça, c'est venu un petit peu à la fois, et puis il y a une opportunité qui s'est présentée pour l'incendie, donc je me suis engouffré dans cette voie-là. Ensuite, j'ai travaillé longtemps pour une multinationale. La multinationale, elle ferme donc son agence à Dunkerque. Et je me suis dit, ben, quand même, il y a un marché, parce qu'on travaillait bien. Et donc, ça m'a permis de dire, bah, tiens, c'est le moment ou jamais. Et donc, j'arrivais à l'âge de 38 ans. Je dis, tiens, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai plus. Et donc, j'ai saisi l'opportunité. Et puis, ben, là, ça fait 24 ans maintenant que ça fait 24 ans, là, le 4 avril, que je suis à Montpellier. Mais oh, je pense que c'est... Et puis c'est les rencontres avec les gens, c'est ça qui fait que souvent votre vie, elle prend un chemin qu'à la base vous n'imaginez pas. Je pense que c'est surtout les rencontres qui font ce que je suis aujourd'hui. Quoi. Je me déplace beaucoup moins maintenant. Mais bon, je suis allé à Brest, je suis allé au Havre, Rouen, La Rochelle. Là, j'ai un bateau pour Toulon. Après, beaucoup sur Anvers, Gand, beaucoup la côte belge, Rotterdam, Amsterdam. Il y a toujours des anecdotes, hein, il y a toujours des anecdotes, surtout. Moi, je pense que les souvenirs qui me sont un peu plus. Qui m'ont le plus marqué, c'est surtout le relationnel avec les gens, avec différentes nationalités, différentes cultures. C'est ça, je veux dire, ce qui m'a marqué le plus, c'est ça. Parce que c'est pas toujours évident, parce que dans certaines cultures, il y a quand même. C'est différent de nous. Donc. Les mentalités sont différentes, donc le rapport est différent. Le rapport humain est différent. Donc après, ça à vous, avec l'expérience, de savoir gérer un peu les différentes mentalités, mais de fois, ça joue un peu des coudes. Ça joue un peu des coudes parce que, vous savez, il y a dans certaines cultures où le verbe est haut, c'est pas, si vous prenez par exemple les cultures scandinaves, c'est beaucoup plus posé. Si vous prenez un peu les cultures méditerranéennes, c'est un peu plus énergique, c'est plus musclé, et donc il faut des fois pouvoir s'imposer aussi. Mais je pense que ça, c'est dans la vie en général, non? Mais bon, en 35 ans, on va dire qu'il n'y a pas eu de pépins, quoi. C'est ça. Il y a le côté aussi, justement, agréable, justement, rencontrer le monde entier. Sans sortir de Dunkerque, vous rencontrez le monde entier. Moi, je rencontre toutes sortes de gens, que ce soit des Chinois, des Philippins, des Russes, des Polonais, tout le monde entier passe par ici. Ici, c'est un point de passage. Ça peut être ici, on veut dire, quand on est dunkerquois, plus ou moins tout le monde se connaît. On pense que c'est une grande ville, mais c'est un grand village. Je suis portugais d'origine. Moi, je suis arrivé à Dunkerque parce que mon père, il travaillait au chantier de France. Mon père, il est venu de Lisbonne travailler au chantier de France. Non, je suis arrivé enfant. Je suis arrivé à l'âge de 12 ans. J'avais 12 ans quand je suis arrivé en France. Et donc ça fait 50 ans que je suis en France. Je suis arrivé en 1973. décembre 1973, donc ça fait 50 ans. Et je suis à Dunkerque. Donc voilà, voilà. Forcément, ça bouge. C'est une autre époque. On va dire que j'ai vu une époque où il y avait beaucoup. On va dire que tout le monde se connaissait. Donc, et tout se réglait, par exemple, tout ici. Les gens, ils faisaient des affaires en venant au café. C'est encore un petit peu le cas des fois. Peut-être, je sais pas, peut-être, mais avant beaucoup. Avant, c'était un des points de rencontre. Les gens réglaient leurs affaires ici. Tout le monde se connaissait. Surtout les gens du port. Les gens du port, ils étaient concentrés ici sur la citadelle. Et beaucoup de choses se réglaient sur le coin du comptoir. Après, dans l'évolution, y a beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure sur le port, l'ISPS, toutes ces choses-là. On n'accède plus sur les quais comme auparavant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup moins de navires aussi qu'avant. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup plus de navires quand même. Bon, j'étais encore jeune, hein, mais on a assisté. Moi-même, j'ai travaillé en 82. En 1982, j'ai travaillé au chantier sur les deux derniers ferries qui avaient été faits à Dunkerque. Et j'ai travaillé à bord. Et ça faisait partie du quotidien des Dunkerquois. Hein, Gilo, aller voir le lancement des navires et tout ça. Ouais. Ça faisait partie de la vie des Dunkerquois, le lancement des navires, la construction, on suivait ça dans les journaux. C'était quelque chose qui était omniprésent dans la vie dunkerquoise, hein, les chantiers à l'époque. Ouais. Je ne suis pas carnavaleux, mais j'ai mes enfants qui sont carnavaleux. De nombreux amis qui sont carnavaleux. En tant que spectateur, j'aime regarder. Et puis c'est quand même un moment festif, donc c'est toujours agréable de voir les gens joyeux et de bonne humeur. Mon père, il avait travaillé sur les navires, mais moi à la base c'est pas du tout mes ambitions. C'était moi, j'adorais la mécanique et je me voyais plutôt travailler dans la mécanique. Et puis bon, peut-être qu'aussi le fait que voilà. Et puis le fait peut-être que justement à Dunkerque, le port est important. Mais c'est vrai que mon père, il travaillait au chantier de France. Mais bon, il a travaillé au chantier de France. Et du chantier de France, il est parti à l'usine des dunes, qui n'était plus rien à voir. Et là-bas, on fabriquait des roues et des essieux de train. Donc, ça n'avait plus rien à voir. Donc, après, je pense que mon père, ça a été la même chose, c'était l'opportunité. Il est parti du chantier parce que peut-être, à l'époque, c'était peut-être plus facile de dire de bouger d'une entreprise à une autre. On vous donnait 2 ou 3 francs de plus et puis vous changez.